50 years of joy. Life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. You saved me, saved me. Ça y est, la fin de la semaine, avec du soleil, il va faire beau ce week-end, on va pouvoir faire péter le barbecue. Oh, ça va être la classe, ça va les copains, vous êtes en forme Fab? Ah oh ouais, ouais, moi je j'avais pas vu ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais Fab, t'es venu en chemisette. Mais t'as vu la chaleur qu'il fait? En chemisette. Le truc le plus léger que j'avais quoi. Ça c'est de très mauvais goût. Ah non mais ça c'est non, ça il faut pas faire. Mais non mais t'as vu le corps que j'ai, il faut que tout le monde en profite quoi. Non. Ça ira je ne peux pas garder toute la personne va en profiter. Oh mon dieu, et le pire, c'est qu'il va falloir résister jusqu'à 20h avec ça, quoi. Le Sandro, comment il est habillé? Oh, bah il est beau gosse. Moi, ça va, tout va bien. Ça va sauf qu'en fait, pourquoi, Fab? Pourquoi? Mais parce qu'il fait super chaud, les gars. Non, mais faut que je m'hydrate entre les bourrelets. Et par contre, je trouve que de toute façon, le plus beau ici autour de cette table, ça reste quand même Carlo des infos. Hein. Ça va, Carlo? Ouais, pourquoi tu dis ça? En petite parce chemise. Que je pense. C'est voilà, j'aime bien. Ouais, ouais. J'adore. Il est avec une petite chemise à carreaux. Je le trouve voilà, élégant, mignon, à l'aise, décontracté. Voilà, Grunge. Parfait quoi. Boss. Voilà, il est parfait tant dans sa tenue que quand il fait les infos. Ben voilà, mais je te lance. C'est parti. Fun Radio. On notera donc que Carlo n'aime pas les compliments, mais par contre, c'est moche. Voilà, c'est ça que tu veux. Bon, on va parler de la météo. On va voir comment il va faire tout à l'heure. Si vous allez pouvoir profiter du soleil encore longtemps, ce sera juste après les infos. Maintenant avec Carlo. Et avec le dernier bilan du séisme qui a secoué le centre de l'Italie dans la nuit de mardi à mercredi, 267 morts et 387 blessés hospitalisés. Plus de 48 heures après la secousse, les secouristes continuent à fouiller les décombres, mais il n'a pas été fait mention de nouveaux survivants. Hier soir, le gouvernement italien a proclamé l'état d'urgence dans les régions touchées et débloqué une première enveloppe de 50 millions d'euros. Et puis certains ne manquent pas de se poser des questions quant au lourd bilan humain, alors que les régions concernées ne sont pas très peuplées et qu'on savait pertinemment bien qu'elles étaient à risque. Et comme d'habitude, il aura donc fallu que le pire se produise pour que les autorités se bougent. Partout dans le monde, on constate qu'elles sont rarement capables d'anticiper des événements pourtant prévisibles. Bref, le gouvernement a annoncé un nouveau plan de prévention antisismique. Mieux vaut trop tard que jamais. Notez enfin que de nouvelles répliques ont eu lieu durant la nuit. Plus de 40 secousses ont été enregistrées. Et puis ce qui s'est passé chez nous la nuit dernière, et même à minuit précise, en fait, c'est une grosse explosion qui a éventré le centre sportif de Chimay. Une personne est morte et 4 autres ont été blessés, dont 2 sont grièvement brûlés. Il s'agit de membres d'un club de course à pied qui se trouvait encore dans le bâtiment. C'est toujours pas ce qui a causé la déflagration. Mais ce qui est sûr, c'est que le bilan aurait pu être nettement plus lourd, vu qu'un match de mini-foot qui aurait dû se tenir dans le centre sportif comme tous les jeudis avait été exceptionnellement annulé. Alors qu'en France, le Conseil d'État a invalidé tout à l'heure les arrêtés sur l'interdiction du burkini sur certaines plages de l'Hexagone. Chez nous, le député MR Richard Miller s'est exprimé sur le sujet ce matin sur les ondes du service public pour dire tout le mal qu'il pensait de ce vêtement qu'il a comparé à une espèce de combinaison de cosmonautes. Pourquoi devrait-elle porter ça pour aller à la plage, se demande-t-il, à propos des femmes bien sûr. Je ne peux pas voir ça autrement que comme une forme de régression de la liberté de la femme. La femme qui a le droit d'être comme elle le souhaite et d'assumer sa liberté. Fin de citation. Richard Miller rejoint donc le point de vue du Premier ministre français Manuel Valls, affirmant qu'il serait content si on pouvait interdire les burkinis. C'est quand même rassurant, n'empêche de constater que nos responsables politiques se penchent sur des sujets vraiment importants, qui est la moindre des choses en cette période de crise. 3 sur 3 pour les clubs belges hier soir en Europa League. Anderlecht, la Gantoise et Genk se sont qualifiés sans le moindre problème pour la phase de poule de cette compétition. Phase de poule à laquelle participera également le Standard. Et puis en Ligue des Champions, le club brugeois a hérité d'un groupe pas trop compliqué a priori, avec comme adversaire Leicester, Porto et Copenhague. Bon, je dis pas trop compliqué vu que ça aurait pu être pire, mais Leicester est quand même champion d'Angleterre. Et Porto vient d'aller battre la Roma 0-3, c'est quand même pas rien. Fun. Fun Radio. Maître Gims, c'est ce qui arrive côté son dance floor. Et puis il y aura de la nouveauté dans cette émission. On vous envoie au restaurant aujourd'hui. Et en plus de ça, sur une terrasse, le pied. On vous explique tout ça juste après la météo. Est-ce qu'il va faire beau ce week-end? Tu veux te mettre en maillot ce week-end? Ah, j'aimerais bien, ouais. Tu vas pouvoir le faire. Ouais, et cool. Je pourrais te regarder? Non. Il faut faire combien? Alors, un peu plus de 30 degrés demain, cool. Un tout petit peu moins dimanche, avec toujours du soleil. Attention, peut-être un risque d'orage ce samedi. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse avec Audrey, le son de Maître Gims. Salut. Fun. Fun Radio. Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Fun. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son Dance Floor. Toute la journée, partout, suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. La vie hour, 17h-20h sur Fun Radio. Je ne t'ai pas donné tout mon amour. Je ne t'ai pas fait mon plus beau discours. J'ai encore envie de te faire la cour. Tu me verras sous un autre jour. Je suis devenu mon propre fantôme. Face à moi-même, je pleure comme un mort. Je me sens délaissé, ouais. Je l'ai bien mérité, ouais. Ma beauté ne t'en va pas. Ne t'en va pas, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Ma beauté ne me laisse pas. Ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Une délivrance, oui, toi et moi, c'est une évidence. Je sais, ce n'est pas gagné d'avance, mais rien ne m'effraie plus que ton absence. À présent, tu peux compter sur moi. Tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté, repose-toi, ma beauté, repose-toi. J'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté, repose-toi, j'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Je mérité dans les rues, je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne, fais-moi confiance, je changerai la donne. T'as tout gâché, dans les rues, elle t'abandonne. Et dans la rue, elle t'abandonne. Bon après-midi sur Fun Radio, la suite c'est avec Milo que ça se passe sur Fun Radio. Il y aura aussi Michael Moore. Et puis un petit peu plus tard, on va se faire Diorro, Bailar, histoire de se mettre dans l'ambiance des vacances. Mais avant ça, on a décidé de vous bichonner aujourd'hui dans l'émission. Tous les vendredis, ça va être comme ça maintenant sur Fun Radio. On vous envoie au restaurant ce soir. Ah ouais, dame. Eh ouais, comme ça. Claque, tu claques des doigts, toi, les gens ils vont au resto. Eh ben comme ça, voilà. Okay. Alors aujourd'hui, on va aller du côté de Namur. Voilà, donc pour tous les Namurois ou alors même pour les autres qui sont prêts à faire la route. C'est super beau là-bas. Ah, tu m'étonnes, il faut pas hésiter, la ville en plus elle est romantique. Oh là là, il y a plein de trucs à faire hein, si vous allez avec votre chéri ou votre chérie. Pourquoi là, tu me le dis que maintenant moi? Quoi? J'ai une petite amie depuis presque un an et tu me dis que maintenant qu'il faut aller là-bas, que c'est romantique. Ah, tu savais pas? Bah non. Voilà. Ben, oh Namur, franchement, c'est trop mignon. Et le resto dans lequel on vous envoie là aujourd'hui, il l'est encore plus. En gros, en fait, c'est une brasserie. Voilà, c'est la brasserie François. Mais c'est dans un cadre un peu comme les restos à Paris, là, un peu luxueux, oh, comme bien, ça. Trop beau, trop mignon, tout plein. Et en plus, ils ont une terrasse magnifique avec des cabanes de plage. Un peu comme si vous étiez au bord de la mer, tranquille, machin. Donc, c'est juste le pire. En plus, aujourd'hui, il fait super beau. Vous allez pouvoir profiter de deux menus. Donc, vous y allez à deux, hein, voilà. Deux menus avec bouteille de vin, bouteille d'eau, tout ça. Donc, la totale. Vous êtes un peu nos VIP aujourd'hui dans l'émission. Voilà, c'est cool. Oh bah écoute, c'est bien. Et surtout si votre copine elle sait pas faire à manger, ça fait plaisir. Non, non, mais surtout pour les mecs un peu radins. Ouais, aussi. Mais imagine-toi, pendant toute la semaine, t'as été obligé de manger les plats de ton amoureuse qui sait pas cuisiner. Eh bah aujourd'hui, tu es libéré. C'est la plaisir. Fête, voilà. Voilà. C'est quoi le pire plat que vous ayez eu droit? Par exemple, ta copine quand elle cuisine, est-ce qu'elle fait des trucs qu'elle a déjà raté ou pas? Ah ben bizarrement non. Non, non elle cuisine bien, mais par contre j'en ai eu d'autres qui cuisinaient pas bien. Un jour il y en a qui me dit ah t'es italien, je vais te faire des pâtes. Ouais. Elle m'a fait des pâtes au ketchup. Ah. C'est là que je l'ai giflé violemment au niveau du visage et puis que on a rompu. Les pâtes au ketchup, ça c'est non, ça va pas ça. Sandro, toi le pire plat que t'as dû manger un jour? Ah ben c'était de la lasagne. Ah bah c'est bien ça la lasagne, t'es con quoi? Non mais de la lasagne un peu ratée, tu vois, il manquait un peu la béchamel, enfin bref, il manquait un peu de tout. Faut pas déconner avec la lasagne. On va faire un truc. Vous m'envoyez un petit message au 3044. Vous me dites quel est le plat le pire. Franchement, le plat que vous avez dû manger une fois dans votre vie, mais qui était vraiment pas bon, ça peut être un plat qui a été cuisiné par madame ou monsieur, c'était complètement raté, ou un truc dans un resto qui était pas bon du tout. Vous m'expliquez tout ça au 3044 par message, et on tire quelqu'un au sort dans l'émission, qui du coup va pouvoir aller manger un petit repas tranquille. Oh là là, bande de petits vénards. Hein. Allez-y, on attend vos petits messages au 3044, côté son dance floor. Il y aura Malcolm Moore dans un instant, et avant ça, c'est Milo sur Fun. Bienvenue. Dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. The sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. Take me back to Hawaii, skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me, a dinner in Sicily. Be who you wanna be, right where you wanna be.

l'ambiance ou pas sur Fun Radio? Allez hop, on se met dans l'ambiance. Zero avec Bailar. Il y aura aussi Lyon. Enfin bref, c'est une nouveauté. Je vous cale tout ça juste après l'horoscope dans la Power. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. On va prendre aussi un auditeur qui va nous expliquer sa galère là avec les plats, parce qu'on vous envoie au restaurant à Namur aujourd'hui pour profiter d'un, voilà, d'un petit moment sympa, deux menus à la clé avec une petite terrasse, tranquillou, tout ça. Donc en échange, moi je vous demande juste de m'expliquer quel est le pire plat que vous avez dû manger dans votre vie au moins une fois. Donc 3044 pour vos messages, vous pouvez encore vous inscrire. Pendant ce temps-là, nous on va vous dire quel est l'animal de compagnie qui est fait pour vous, les béliers. Alors l'animal qu'il vous faudrait, c'est un petit chat, peut-être que comme ça, il pourrait vous expliquer comment vous léchez les parties intimes. Oh non. Les taureaux. Ce qui vous irait le mieux, c'est un caméléon. C'est le seul qui arrivera à s'assortir avec vos vêtements horribles de chez Desigual. Ah ouais. Desigual, c'est trop moche. C'est vilain. Les gémeaux. Essayez un petit chat. Comme ça, vous vous sentirez moins seul quand vous irez faire caca au parc. Ah bon, oh. Et qui c'est qui fait caca? Est-ce que quelqu'un a déjà été faire caca au parc? Le week-end uniquement. Le week-end, d'accord, ça sert. Les cancers. L'animal qui est fait pour vous, c'est le poisson rouge. Vous avez la même mémoire que lui depuis le début de votre Alzheimer. Les lions. Ce qui est fait pour vous, alors, ce sont les animaux empaillés. Vous adorez les animaux morts. Ça vous rappelle votre grand-mère. C'est dégueulasse. Vierge. Pour vous, c'est le phoque. Contrairement à votre chanteur préféré, Grégory Le Marchal, lui, il est capable de retenir sa respiration super longtemps. C'est honteux, Fab. Scorpion. Vous attachez énormément d'importance aux fringues. Le serpent, c'est ce qu'il vous faut. En sac, en bottes ou en portefeuille. Les sagittaires. L'animal qui vous correspond le mieux, c'est sans aucun doute l'escargot. D'après votre femme, vous aussi, vous avez un truc gluant qui rentre dans sa coquille dès qu'on le touche. Les capricornes. Votre animal préféré, c'est le cheval. Vous l'adorez avec des haricots verts, des pommes nature. C'est une tuerie. Ah ouais. Les versos. L'animal de compagnie qui vous correspond le mieux, c'est le chacal. Parce que comme lui, quand vous allez en boîte, vous vous jetez sur des cadavres de gonzesses dans le parking. Et on termine avec les poissons. En fait, j'ai peur. J'ai, j'ose même pas dire après. Okay. Les poissons, vas-y. L'animal qui vous va le mieux, c'est le moustique. Mais contrairement à lui, vous, c'est pas du sang que vous pompez. Je le savais que j'aurais pas dû te lancer là-dessus. Bon, l'horoscope sera de retour, peut-être. On verra, je vais quand même réfléchir à ça. On va se faire le son de Jero maintenant, comme promis, avec Bailar sur Fun. Et puis juste après, on tire quelqu'un au sort qui va peut-être pouvoir aller se faire péter la panse à la brasserie du côté de Namur. Bougez pas. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Ah, pour moi, un... Oh oui, bonne idée, tiens. Pour moi aussi, ce sera un... Ah oui, oui, oui, moi aussi, mettez-moi un... Bien, donc 3. Il y a un problème? Ouais, comment ça s'écrit? Bah, tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Bon contact, prêt pour un nouveau cas de je sais pas choisir. Oh mince, c'est la rentrée et Julien vient de se faire piquer son vélo à une soirée. Je lui prends quoi? Un vélo de ville? Bah non, on habite à la campagne. Un pliable? Oh, il va quand même pas le plier. Oh, je sais, je vais acheter une petite mobilette. Ah voilà. Oh, qu'est-ce qu'il va être fier de pouvoir monter derrière son papa. Choisir n'est jamais simple, sauf pour payer. Car là, on choisit Bancontact, le mode de paiement préféré des Belges. Bancontact, ça c'est sûr. Ce dimanche, IKEA Wheelrex, Zaventem, Anderlecht et Hasselt sont ouverts de 10 à 18 heures. Venez faire un tour et profitez de nos offres pour la rentrée. Plus d'infos sur ikea.be. Fun Radio. Fun Radio, the song that's cool. Thank you.

Et c'était Lion sur Fun Radio. Bon vendredi après-midi avec le son de Mo Final Song. Il y aura aussi Kungs dans un instant. Et le vendredi sur Fun Radio, c'est le jour de quoi? C'est le jour du resto. Bah ouais, yes. Voilà, c'est nouveau maintenant dans la Power. On s'est dit, tu termines la semaine, qu'est-ce que tu pourrais avoir envie? Bah d'un resto, de pas cuisiner, de rien faire en rentrant chez toi. Avant moi c'était vendredi, c'était pizza. Pizza, ouais. Mais maintenant ça c'est fini, ça, heureusement on écoute la Power. Grâce à toi, ça va être le resto, oui. Mais voilà, on vous envoie à la brasserie François à Namur aujourd'hui. Alors pour ceux qui voient pas trop à quoi ça ressemble, c'est un magnifique restaurant avec un intérieur un peu genre à la parisienne. Oui, j'ai vu, c'est moult beau. C'est moult beau. Maison, voilà, de maître avec des hauts plafonds. C'est de toute beauté. Et alors surtout, ce qui est sympa, c'est la terrasse. Genre, c'est le truc parfait, quoi. La terrasse est canon. Il y a des cabanes de plage. Oh. Mais ouais, vraiment, t'as l'impression d'être en vacances. C'est juste le top. Et ben, c'est là-bas qu'on vous envoie ce soir, avec à la clé deux menus. Pour deux personnes, c'est mieux, hein. Avec, tu vas tout seul. Donc. Aussi, tu peux, avec une bouteille de vin et une bouteille d'eau. Alors, je vous ai demandé de me dire en échange quel était le pire plat que vous avez dû manger dans votre vie. 30-44 pour vos messages, vous pouvez toujours encore m'envoyer un petit message. Mais il y a Caroline, justement, qui va nous expliquer tout ça, qui vient de Bruxelles. Salut, Caro. Salut, comment vous allez? Ah bah super, et toi? Ça va. Ça va. Ouais. Qu'est-ce que tu fais de beau? Bah là, je suis là, sur la route pour rentrer de Bruxelles. Pour rentrer de Bruxelles, et ça va, il n'y a pas trop de bouchons? Non, là, ça va encore. Ah bah voilà. Bon, hey, Macaro, t'as compris que le resto, il était à Namur un soir. T'es dispo au moins? Ouais, ouais, non. J'ai pas de peur. Y a peur de rien, Caroline. Bon, Caroline, c'est quoi le pire plat que t'as dû manger dans ta vie? Le pire plat, c'était un potage froid à la betterave rouge que ma mère nous avait fait. Mais et pourquoi elle a fait ça, ta mère? Un potage froid à la betterave, ça se mange? C'était une punition. Ah. Parfois, je me demande. Et c'était pas bon? Non, c'était vraiment dégueulasse. Bah je crois que c'était le pire plat qu'elle nous ait jamais fait. T'as pas honte, pauvre maman? Ça se trouvait, les coups de Fun Radio, tu vas lui briser le cœur, Caro. Bon, on appelle ta mère, on se moque d'elle. Justement. Elle cuisine bien en général, mais c'était l'exception qui confirme la règle. Ah bah ouais, mais. Eh, hey, ça existe, tu sais, genre en Russie, moi j'avais mangé un plat comme ça, c'était du borscht, je crois. Ouais, et du borscht. Et c'est une soupe rose. Rose. Et je crois que c'est à base de betterave. Je crois que c'est le même délire que ce que ta maman, elle a fait, Caroline, je crois. Et pour la petite histoire. Audrey, t'as vomi tout après la soirée. Oui, t'es pas obligé de raconter ça, c'est malin. Non mais c'est vrai, mais voilà, maintenant je voulais t'expliquer en forêt. J'ai mangé cette fameuse soupe et ça m'a tellement dégoûtée que le soir en fait j'ai commencé à être malade et j'ai vomi sur les draps blancs de l'hôtel et c'était dégueulasse. Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi je sais pas, mais les draps étaient roses fuchsia, c'était une catastrophe. Bon Caro, toi tu l'as pas vomi ta soupe rose à la betterave de ta maman, j'espère? Non, mais on a fait un seul coup à mon frère avec. Qu'est-ce que t'as fait? Ben en fait, comme il est souvent en retard pour venir manger, ce qu'on lui a fait, c'est qu'on lui a rempli avec mon père un énorme bol. Ouais. Et on a attendu en le regardant bien souffrir devant son bol. Ah ouais, oh, ça c'est pas cool. Bon Caro, t'es en lice pour le resto de ce soir, t'es présélectionnée. On verra si on reçoit d'autres petits messages bien pires que le tien. Il y aura une concertation plus tard entre l'équipe pour voir lequel mérite avec le plus d'aller au restaurant. Ouais, ce soir Caro, tu restes bien à l'écoute de la Power. Peut-être que ce sera toi la grande gagnante de ce soir. Côté son dance floor maintenant, c'est Mo qui arrive avec Final Song, il y aura aussi du Kungs. Et puis on va aller voir comment ça se passe sur les routes avec Mister Jacobus. Bougez pas. Party all night all summer. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Welcome in the biggest clubbing. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. T'es prêt? Ouais, alors, c'est bleu et on peut y mettre tout pour la rentrée. Allez, c'est pas difficile. Ah oui, et ça se met sur le dos. Oui. Je vois pas, non. C'est le sac de la rentrée. Chez Deleuze, ce samedi 27 août, à l'achat de minimum 50 euros, vous recevrez un chouette sac à dos Mer du Nord gratuit. Deleuze. Bien acheté. Bien mangé. Voir conditions de l'offre en magasin. L'auto présente le mois de Wout. Chaque mercredi, 500 000 euros ajoutés au jackpot. Et ce samedi, un tirage très, très waouh. Près de 2 millions d'euros à gagner. Jouer au loto. Si Rémi avait fait appel à l'Happy Hour, il lui aurait sûrement trouvé une famille. En cas de problème, un seul numéro, celui de l'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. Please, won't you wait, won't you stay? At least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Ooh. That's what I hear when you're by my side. Allez, courage! C'est la fin de la semaine déjà, la Surfun Radio. Bon vendredi, peut-être bientôt le week-end avec du soleil. Vous allez en profiter un max. Nous, de notre côté, on vous cale le son de Kungs qui arrive, puisque Mo, on vient de l'entendre déjà. Hein, Sandro? Excusez-moi. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Mais d'abord, on va se faire l'info trafic avec Mister Jacobus. C'est parti! Ça ne marche pas non plus, il n'y a plus rien qui marche, je ne comprends pas. On est en panne. Pour te faire dump payer, ça va pas parce que c'est vendredi que tu dois faire ton taf à moi. Excusez-moi. Tu vas mettre mon musique pour que je puisse faire mon travail. Mais non, mais ça ne marche plus. Bon, d'accord, c'est pas grave, on va faire l'info trafic même si on n'a pas le jingle. Alors, comment ça se passe sur les routes? Oui, c'est un vrai commandant et blablabla. Bonjour, c'est Jacobus ici. J'ai besoin de mettre ça. Ça se passe pas très bien. Figure-toi que c'est sur mon computer de la police fédérale ici, je vois des choses que vous ne voyez pas évidemment. Hein. Mais je peux te dire que la longueur totale des bouchons dans toute la Belgique pour le moment est de 250 km. Oui. Quoi? Alors, c'est une vanne. Oui. Toi aussi, tu as économisé avec tes petites économies, tu as acheté une belle caravane que tu as été installée à Blankenberg, près de la mer. Tu vas te dire, oui, il fait beau, je vais aller ce soir. Et well, non, parce qu'à 40 minutes de bouchon où tu es à l'arrêt sur l'autoroute, ah oui, tout le monde va au soleil, hein, manger des moules frites à la terrasse avec une petite bière. Ah ouais, c'est chouette. C'est le bordel. Va courage. Dans les Ardennes plutôt. Et alors, ici, je vois aussi sur Berkem-Sint-Agathe, le ring intérieur de Bruxelles, un accident, un véhicule en panne qui est sur le côté qui bloque tout le monde. C'est à côté de l'autoroute de la mer, donc les embouteillages vont commencer bien avant. Courage. Il y a d'autres bouchons ou c'est bon comme ça? J'ai pas fait assez de mauvaises nouvelles pour clôturer le week-end. D'ailleurs, si vous avez des infos sur le trafic, et tout, balancez-les nous, hein, comme ça on prévient les autres. Bah du coup, si j'ai bien compris, évitez d'aller à la mer, hein, en tout cas pas ce soir, parce que vu les bouchons, 40 minutes, faut vraiment le vouloir. Hein. Bon courage à vous, restez bien branchés sur Fun Radio, on aura du cadeau d'ailleurs. Pour tous ceux qui veulent se détendre ce soir, le bon plan, c'est d'aller à la brasserie François à Namur, profiter de la terrasse, des cabanes de plage là-bas, bref. Si vous voulez aller là-bas, il suffit juste de m'envoyer un message au 3044 en me disant quel est le pire plat que vous avez mangé de votre life. Tirage au sort après le son de Kungs. Le son d'Explore continue sur Fun Radio avec Galantis, No Bonnie, que je vous ai calé. Il y a aussi un des représentants de l'Eurovision en France, c'était Amir. Tout ça, ça arrive après Jonathan. Voilà, Jonathan, c'est notre star à nous dans la vie. Jonathan qui vient de Charleroi. Salut Jonathan. Salut à tous. Ça va? Ça va très bien à vous. Oh bah écoute, super. Qu'est-ce que tu fais de beau? Ah bah là, ce soir, je suis en congé là. Eh bah on a la belle vie. Tranquille. Là, j'attends juste deux places de resto qui vont tomber, j'espère. Ah, comme ça, toi, comme ça, directement. Il gratte. D'ailleurs, d'abord, il y avait quand même un petit truc à faire en échange, c'est que je voulais savoir quel était le pire plat que t'as mangé dans ta life, Jonathan. En tout cas, c'est un des pires. Alors moi, j'étais au boulot à midi, alors je suis rentré au soir et ma copine, bon, elle ne sait vraiment pas cuisiner. Ouais. Alors je rentre, elle me prépare un petit truc. Elle a mis la table et tout, c'était sympa, c'était bien joli. Ouais. Alors j'arrive. On veut le plat, on veut pas l'histoire. Mais si, hein. Mais si, c'est drôle. Ah, ok, ça va. Allez, vas-y, balance, okay. Jonathan. Bon, bah, alors, c'était une paella. Donc on commence à manger la paella et tout. Et en fait, bah, rien n'était cuit. Donc le poulet, les poissons, tout était complètement cru. J'appelle Prime Boucher qu'on a arrêté tout de suite là. D'accord. Et la suite, c'était un brownie. Le brownie n'était pas du tout cuit. Il était complètement fondant, à l'intérieur, complètement coulant. Donc voilà, on a rien. Ça me donne vraiment le ventre. Et t'as changé de copine depuis? Mais enfin. Depuis, j'ai changé de copine. Ouais. Ah. C'est une vanne. En plus, il me dit oui. Bah, bien sûr. Non, bah attends, Jonathan. Ah, bah, c'est la vérité.

et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille et dans la nuit, je vois que tu souris. Écoute-moi, je t'en prie, tu as le plus beau des chats. J'entends sa voix si belle au timbre angélique. La Vie Hour, 17h-20h sur Fun Radio. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. Radio, merci de la passer avec nous. Il y aura le son d'Amir avec J'ai cherché dans un instant. Mais d'abord, c'est Dis-moi pas que c'est pas vrai. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Eh ben si, en fait, c'est vrai. Non, je te promets, c'est la vérité. Maintenant, toi aussi, tu sais. Ouais, en gros, le Dis-moi pas que c'est pas vrai, c'est des petites infos comme ça. Parfois, vous pouvez vous poser des questions en disant non, mais je suis un peu con de me poser ce genre de questions. Mais t'as quand même pas la réponse. Ça arrive souvent quand même. Eh ben ouais, voilà. Et donc aujourd'hui, je vais vous poser une colle. On va plutôt vous poser une gomme. Est-ce que vous vous souvenez de la gomme Pélican? Pélican? Ouais, c'était la gomme où il y avait une partie rouge et une partie bleue. On l'avait ça à l'école. Ah, la gomme qui gommait pas? Ouais, non, c'est pas la gomme qui gommait pas, c'est qu'il y avait un côté. Tu étais chiante. T'avais pas cette gomme, moi, quand j'effaçais sur une feuille? Ça, non, ça va pas, ça va. Et puis j'appuyais. Ouais. Et en fait, je passais à travers la feuille. Ouais. Et je faisais des trous dans la feuille. Et bien, il y a une explication de pourquoi Pourquoi, à cause de ce côté bleu, on déchirait sa feuille à chaque fois. À votre avis, elle servait à quoi cette partie bleue de la gomme, Fab? Moi, je sais. Vas-y. Ça a été inventé par les Portugais en 1918. Avant que l'épilation soit inventée, c'était pour tailler les sourcils sur le front des femmes. Non. Non, non, c'est pas ça. Kéké du standard. Mais moi, ça fonctionnait pas, alors je coupais la partie bleue et je la lançais sur le prof. D'accord, normal, quoi. Ouais. Sale gosse de merde. Le Sandro. Bah, pour effacer les phrases de traînage, non? Hein, de traînage. Bah, voilà. De traînage. Non, c'est cool. Non, franchement, ça fait plaisir. Merci, l'équipe. Non, c'est pas du tout ça. En fait, attention, vous allez. Je m'étouffe. Allez, étouffe-toi. Vous allez pouvoir rentrer à la maison et balancer cette info aux autres. Hey, je sais à quoi ça sert, la D'accord. partie bleue de la gomme. Allez, vas-y, vas-y, je suis impatient. Bon, en fait, il y avait la partie orange, brune, là, un peu comme oui. ça. Ouais. En fait, ça, cette partie de la gomme, elle servait à gommer les traces de crayon sur le papier. Yes, j'avais ouais. juste. Donc, en gros, si vous gommez avec cette partie-là sur une feuille, il n'y a pas de problème, ça ne se chiffonne pas. Pourquoi est-ce que quand vous gommiez avec la partie bleue, ça se gommait, enfin ça se chiffonnait comme ça? Eh bah parce que cette partie bleue, normalement, elle était faite pour effacer le crayon, mais sur des parties vachement dures, du style du carton, des pierres, des trucs comme ça. Elle a été inventée pour ça, sauf que nous, bande d'imbéciles, on a toujours cru que la partie bleue, c'était pour effacer l'encre. Non, non, non, mais excuse-moi, les imbéciles, c'est eux, ils auraient dû mettre un mode d'emploi avec ouais, la gomme. C'est ça. Enfin, à un moment donné, je veux bien, mais... Donc voilà, on va mourir moins bête. D'ailleurs, regarde, il y a un auditeur qui me dit, pour la gomme, c'était pour effacer l'encre. Et ben non, les gars, voilà, on y a cru pendant des années, mais aujourd'hui, il fallait qu'on rétablisse la vérité. On va mourir moins con ce soir. Voilà, bienvenue sur Fun Radio. On va savoir dans un instant qui va aller au restaurant. On vous envoie à la brasserie François à Namur pour un menu deux personnes. Vous allez profiter de la jolie terrasse du restaurant avec des cabanes de plage comme ça. C'est trop mignon, tout plein. On a d'un côté Jonathan et Caroline qui sont en lice pour le menu de ce soir. On tire au sort juste après le son d'Amir. Maintenant, c'est J'ai cherché sur Fun. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur. Radio, on va savoir qui va pouvoir aller profiter d'une soirée tranquille ou direction la brasserie François à Namur. On se fait ça juste après les infos maintenant sur Fun Radio. Fun Radio. Bel organe. Il est 18h, c'est l'heure de s'informer maintenant avec Carlo Morello. Oui, toi aussi, tu es un attends, bel organe, attends, Carlo. Bonjour Carlo. Bonjour Audrey, salut à tous. D'après les derniers sondages, Hillary Clinton, la candidate démocrate à la présidentielle US de novembre, conserve 10 points d'avance sur son dangereux rival républicain Donald Trump. Bah bon, quand je dis dangereux, c'est moins pour elle, vu les cas actuels, que pour les États-Unis eux-mêmes, voire la planète entière. Mais d'ici le scrutin, beaucoup de choses peuvent encore se passer et l'ex-première dame préfère ne rien laisser au hasard. Même qu'elle tente à présent d'associer Trump à l'extrême droite américaine, rappelant notamment que le magnat de l'immobilier refuse de désavouer le soutien apporté par un ancien responsable du Ku Klux Klan. Mais pour ce qui est de discréditer Donald Trump, il n'y a peut-être pas mieux que Donald Trump lui-même. Trump qui n'a pas trop l'air de savoir ce qu'il veut exactement en matière d'immigration. Ça faisait un an qu'il prônait l'expulsion des 11 millions de sans-papiers qui vivent aux States. Or, ce mardi, il a déclaré qu'il pouvait y avoir un assouplissement, car nous ne voulons pas faire de mal aux gens, ce sont ses propres mots, et d'expliquer que les sans-papiers pourraient rester en échange d'un paiement d'arriéré d'impôts. Et deux jours après, nouveau changement de ton, les clandestins seront tous virés, et pour espérer une régularisation, bah, faudra qu'ils reviennent légalement demander des papiers. Il est vraiment très difficile à suivre, hein, ce monsieur. En Turquie, une attaque à la voiture piégée a visé ce matin les locaux de la police à Cizre, dans le sud-est du pays. Un premier bilan fait état de 8 policiers tués et 45 blessés. Alors, lorsqu'un attentat se produit dans ce pays, bah, il n'est pas toujours évident de savoir qui en est le responsable, de Daesh ou des rebelles kurdes. Eh bien, ici, il s'agit des Kurdes, et plus précisément de la rébellion du PKK. Il faut quand même savoir que le principal ennemi de la Turquie, ce n'est pas vraiment l'État islamique, hein, c'est la rébellion kurde. Hier matin, une dizaine de chars turcs sont entrés en Syrie, histoire de virer les djihadistes de Daesh présents à la frontière, mais surtout pour empêcher les Kurdes du PYD d'occuper tout le nord de la Syrie et d'y créer une sorte d'État, ce qui pourrait donner des idées aux Kurdes de Turquie. Brasseur de bière, broyeur d'emploi, la fusion entre AB InBev et SAB Müller ne se fera pas sans casse sociale. Ça fallait un petit peu s'y attendre évidemment, et même que selon Bloomberg, qui se base sur des sources anonymes proches du dossier, ce sont 5500 postes qui devraient passer à la trappe. Une restructuration qui devrait s'étaler sur 3 ans, mais on ne sait pas encore quelle en serait l'étendue géographique. Ce qui est sûr par contre, c'est que le siège administratif du groupe sera situé à Louvain et le bureau de management fonctionnel mondial à New York. On va savoir qui de Jonathan ou Caroline dans quelques minutes va pouvoir aller à la brasserie ce soir du côté de Namur. On se fait ça après la météo. Carlo, c'est quoi le programme? Je ne sais pas si ce sera un dernier week-end estival, mais ce sera un week-end estival. Cool. Cas. Et avec des températures toujours supérieures à 30 degrés demain, tout petit peu moins dimanche, mais pas mal de soleil. Évidemment, attention au risque d'orage qui pourrait être violent, hein, même demain. Prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Calvin Harris et Rihanna. Salut. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Are you ready? Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Watching her, but she's looking. what you came for. Lightning strikes every time she moves. Les plus faciles de la Terre. Attends, qu'est-ce qui rime avec Audrey? Eh ben, hey, yeah, voilà, c'est bien. Ça a été recherché, ça c'est clair. Hein. Mais est-ce que vraiment, mais vraiment des mecs se sont mis autour d'une table et se sont dit, bon, les gars, on met quoi dans ce générique comme parole? Ouais, voilà, des vrais professionnels. Et t'as un mec qui s'est levé, il a fait, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, yeah. Parfait, bah, on fait ça. Et le pire, c'est que ça reste en tête. Moi, chaque fois que je me casse de l'émission, après, genre limite la nuit, j'y pense, quoi, tu vois. Ah, tu ouais. T'appelles par ton propre prénom. Ouais, la Happy Award. Toi, quand tu chantes, tu dis pas la power de moi. Non, je dis pas ça, non. Bon, on était en plein suspense là dans l'émission parce que si vous venez de débarquer, on a décidé que le vendredi ce serait le jour du resto officiellement dans la power. Et donc, en gros, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'aller à la brasserie François à Namur. Alors, on fait pas les trucs à moitié, hein. C'est-à-dire que là il y aura deux menus. Oh ouais. Vous allez pouvoir découvrir comme ça un petit peu de tout ce qu'il y a sur la carte avec une bouteille de vin, une bouteille d'eau. Ils ont une terrasse, donc ça c'est juste le pied avec le temps qu'il fait ce soir, et on a deux personnes qui sont en lice pour les menus, c'est Jonathan d'un côté et Caroline. Je vous ai demandé de l'autre côté de la radio de voter. Voilà, c'est vous qui avez décidé le grand gagnant de ce soir. On va faire sonner, je vous dis pas qui c'est, vous entendrez à la voix. Oh. C'est pas très compliqué, il y a un mec et une fille, donc peut-être Jonathan, peut-être Caroline, on verra. Déjà faut que ça décroche. Et déjà faut que ça sonne, c'est ça aussi. Alors mon Sandro. Bah c'est j'ai appuyé. Le responsable du téléphone de Fun Radio. Je ah, voilà. Ça sonne magnifique. Responsable du téléphone de la radio. Bah, c'est pas responsable 10, d'un quoi. Truc. Allô. Ah mais c'est Jonathan qui remporte le resto. Wow wow. Merci beaucoup. Bah de rien Jonathan. Voilà, donc t'es bien dispo quand même ce soir. Ah bah heureusement oui hein. Ah bah voilà, bah donc direction la brasserie François à Namur, tu vas là-bas et puis tu te fais plaisir avec deux petits menus comme ça. Tu vas y aller avec qui? Ah bah je sais pas encore, là c'est improvisation totale là. Ah bah voilà, parfait, t'as pas une amoureuse qui traîne dans le coin? Je pense que la personne qui vient de crier s'est contente d'y aller avec toi. Bah il y a 2-3 personnes qui aimeraient bien venir. Eh bah pierre, papier, ciseaux et puis c'est bon comme ça hein. Ouais, c'est pas pour 20 ans. Jonathan, félicitations en tout cas, t'en profites bien et tu nous diras comment c'était, hein, d'accord? Super, ouais, je te fais des gros bisous, Jonathan. Félicitations. Bisous aussi, ouais. Bon, on se refera ça la semaine prochaine. Hein. Ça va devenir une tradition dans cette émission. Tous les vendredis, ça sera le jour du resto. Pour la suite, côté Sundance Floor, on va se faire un souvenir avec Fatman Scoop. Il y aura aussi Sigala. Et puis les cadeaux, ça continue parce que là, cette fois-ci, après le resto, on vous envoie vous faire masser direction les thermes d'Agribarga. Ne bougez pas. All the track. Pick it up, pick it up, pick it up. Let's go. Who fucking the night? Who fucking the night? Who fucking the night? Ow, ow. Who fucking the night? Who fucking the night? Who fucking the night? Ow, ow. Stop playing, keep it moving. Stop playing, keep it moving. Stop playing, keep it moving. Keep it moving. Moving. Sing along. Hey, oh. Yeah. Hey, oh. Sing along now. Hey, oh. Hey, oh. Ladies. Hey. Fellas. Oh. Ladies. Hey. Fellas. Oh. Ladies. Hey. Fellas. Oh. Ladies. Come on, come on, come on. Sing along, everybody now. C'est la Piawar sur Fun Radio, on est avec vous jusqu'à 20h. Il y a aussi Drake qui sera de la partie. On va sur le son de Quintino et Cheat Code. Ça, c'est le tout nouveau qui arrive, ça sera juste après. L'actu des médias, c'est Potin et Popotin. Les stars, leurs aventures, leur vie, le rêve quoi. Le tout raconté par Fab, ses potins et popotins. Ouais, et Fab, il a les infos sur les people avant tout le monde. On me prévient, moi, on m'appelle en direct. Ouais, et ça in c'est direct. Cool. Bon, alors surtout qu'aujourd'hui, là, il y a une info de fou. Maître Gims, vous voyez bien qui c'est Maître Gims quand même. Non, c'est le gars avec les lunettes de soleil. C'est ça, celui qui n'a jamais ses lunettes de soleil parce qu'il a un strabisme, mais en fait il veut pas dire qu'il a un strabisme, mais en fait on sait très bien que c'est pour ça puisqu'on l'a déjà vu en vrai sur Fun Radio. C'est le mec, donc du coup il nous voit double. Oui c'est ça, non il te voit juste d'un côté plus proche que l'autre. Laisse tomber, c'est fini. Tu sais que ça me... En fait ça m'inquiète, c'est pas que ça m'inquiète mais je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça fait d'avoir un strabisme en fait. Tu oui vraiment, bah écoute bois 3 verres de trop et puis tu verras oui, ce que ça, fait, ça va être génial. Pour toi la gueule, c'est ça le strabisme. Bon, je crois. Maître Gims va changer de nom. C'est ce que Fab m'a balancé tout à l'heure. Ah ouais, mais minute papillon. Bah, faut donner quoi, tous les éléments de l'équation si tu veux que les gens comprennent. Allez, vas-y, non, Maître Gims, bon, il cartonne en France, en Belgique, c'est pas un secret, mais dans tout le reste de l'Europe aussi. Moi, je savais pas ça. Le mec qui cartonne en Italie, au Danemark, en Suisse. Moi, j'imagine mes compatriotes en Italie danser sur du Maître Gims. Ah, je sais. En fait, il faut que je vous dise un truc, c'est que normalement, quand on bosse à Fun Radio, c'est qu'à la base, on aime quand même bien le son dance floor. Mais il y a toujours un petit... rejeté. Voilà, un petit rejeté. C'est ça. Et bah, c'est Fab. Parce que Fab, il aime pas du tout Maître Gims. Hein? Ouais, bah, j'aime bien le son dance floor, mais pas lui. Lui, Maître Gims, je ne peux pas le dire. Mais enfin, bon, bref. Il s'est dit, tiens, je vais conquérir ce que je n'ai pas encore conquis. Donc, monsieur Maître Gims s'en va à la conquête des États-Unis. Oh! Il s'est dit, je vais tenter ma chance. Bah oui, il fait comme à la Stromae. Ouais. Voilà, il va partir là-bas, il va prendre son autotunes avec. Et il va faire des albums autotunés là-bas, en français, que les ricains vont pas comprendre. Et si ça se trouve, ils vont faire en boîte. Yes, ça a payé comme jamais, like ever. Oh my god, no, it's amazing. Mais pour ça, il s'est dit, je vais changer de nom. Ouais. Ah, parce que Maître Gims, le mot maître. C'est pas trop top au state. Hein. Ils comprennent pas en fait. C'est ça. C'est, donc il va changer. De Maseray Gims. Donc il va changer de nom. À ton avis, qu'est-ce qu'il pourrait prendre comme il nom? Il va changer de nom. Eh, dites-moi vous, hein, 3044 pour vos messages. Qu'est-ce qu'il pourrait prendre comme nom? Alors Stevie Gims Wonder, c'est déjà pris. Un black avec des lunettes du soleil, tu peux pas faire deux fois. Tu Mister Gims. Mister Gims. Toi, tu te foules pas, toi. toi, t'as participé à l'écriture du jingle. Ouais, je sais pas, moi, Sandro, t'as non, moi, je prends un nom plus classique, genre Jacques, Paul. Oh, non, oui. Ouais, Jacques a dit ça paye comme jamais. Non, ça le fait pas, quelqu'un du standard. Gimster. Comment? Gimster. Un peu comme hipster, mais Gimster. Salut, c'est Gimster. Je vais te présenter mon nouveau titre. Non, ça va pas. Alison, à ton avis, quel prénom il pourrait prendre, Maître Gims? Maestro. Maestro. C'est déjà pris. Mais c'est Stromae à l'envers. Bah justement, il fait concurrence. Ah ouais, c'est pas con, mais non, c'est ça ou pas? Non. Non, moi c'est je pas ça. Bien un petit Notorious. Non, c'est pris ça. Ah, tu t'emballes. Il y a un auditeur qui me dit Monsieur Sparips. Monsieur Spark Gibbs aussi. C'est Henri qui nous dit ça. C'est pas ça non plus. Hein. Non, c'est pas ça. Donne un indice, la première lettre. G. Gérard. Non, si tu me sors Jean-François, je t'en crois. George. Oui, c'est dit. Oui, parce qu'il y a tout un système de presse autour de lui qui s'est dit va au state, appelle-toi George. Bah, je jamais. Attends, on a Cynthia qui est là, qui vient de Nivelles. Elle va peut-être pouvoir nous aider, elle. Ça va, Cynthia? Oui, ça va très bien. Et vous? Bon, bah, ça va, ça se passe bien la soirée? Ouais, c'est super, je prends soleil, je vous écoute. T'as la super, belle vie. Vous m'avez manqué. Oh, toi aussi, ouais, tu nous as manqué. Oh, Cynthia, ça faisait trop longtemps, hein, 2 mois sans être à l'antenne de Fun Radio. Voilà. Oh, c'était cruel. Ne pleure pas, on est là. On est revenu, Cynthia, respire, ça va aller. Bon, hey, Cynthia, à ton avis, comment il s'appelle maintenant Maître Gims, maintenant que monsieur va aller aux États-Unis? On peut l'appeler Game Over, peut-être. Oh, énorme. Bon, c'est pas ça, balance le truc, parce qu'à un moment donné... Bah allez, je vais te dire avec l'accent et tout, Games. Et comment? Quoi? Ah non. Games. Games. Il s'est dit, tiens, je vais enlever le maître. Games. Je vais juste faire Games. Games. Ah. Sans le maître, donc sans maître Gims. Il aurait dû garder. Il aurait dû garder. Oh mon Dieu, My name attends, is Games. Non, parce qu'à un moment donné, donc le gars arrête pas de dire... Que genre il change de prénom, mais en fait il retire juste un truc. Oui. Mais c'est nul. À partir de 2000 ans, moi je m'appelle plus Fabrizio, appelez-moi Zio. Zio. Oh, c'est énorme. Et on me dit, on s'est fait chier en vacances sans vous. C'est gentil. Mais on est de retour, rassurez-vous. On me dit, on a qu'à l'appeler Gorge. Pourquoi Gorge, C'est très malsain cette proposition. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Le One Team. Non, c'est déjà pris par les restos chinois. Non. Partage One Team. Allez, c'est parti.

job. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Oui, l'élève. Tube Fun Radio. Félix J. I am the bonfire. Bonfire. C'est ici que tout démarre. Fun Radio. Le son des floors. I can hear the whispers about me. About me. Hurt. It hurts if I let all the poison in. If I let them win. When you're mad. Make me stronger, you make me lighter. With the shit you throw on me, throw on me. I am the bonfire, you make me stronger, I'm going higher. I live off your gasoline, gasoline. I am the bonfire. Now I close my eyes and I just breathe. I just breathe. Hurts. But shit that doesn't kill you makes you strong. So bring it up. When you're mad. The bitches, let them drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain from my fire out. Spin your hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. Radio, la suite, c'est avec R.A.S. Réfix, ça se passe bon bon. Ça donne envie de bouffer tout ça. Oh là là là. C'est l'heure de l'apéro, excusez-moi. Bon, allez, on passe à Buggles. Y en a plus, j'ai tout bouffé. Allez, c'est bon, on se fait l'horoscope, c'est parti. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale des chiens. Alors, bonne fête à tous vos petits chiens. Moi, j'avais pas bonne fête à Patapouf. Ouais, bonne fête à mon chien Patapouf. Quelqu'un a un chien? Quelqu'un veut citer quelqu'un? Kéké du standard? Ouais, bonne fête à Roger. À comment? C'est à Roger. Voilà, s'il vous plaît. Quoi, et moi, bonne fête à Kéké. Bonne fête à Kéké, c'est ton petit chien, c'est ouais. Allez, lève la patte. Bah, allez, sympa. Et moi? Et toi, Fab? Bah, bonne fête à Magali, c'est une chienne qui habite en bas de ma rue. C'est horrible.

sur Fun Radio. La suite du son d'Esplor, c'est avec Nils Van Zandt que ça se passe. Oh, c'est bien ça pour le week-end. Et c'est le genre de son que vous allez entendre ce soir hein, avec Party Fun. Tous les plus grands DJ de la planète y seront ce soir sur Fun Radio à partir de 20h. Avant ça, on va savoir maintenant qui va aller au terme de Grimbergen se faire dorer la pilule. Oh là là, pour un petit séjour de luxe, vous allez profiter non seulement d'une nuit dans l'hôtel de Grimbergen. Vous allez avoir le petit déjeuner le lendemain matin. On va vous masser, on va vous faire un gommage. Oh là là, un massage du dos, des épaules, de la nuque. Oh. Le tout aux extraits de fraises. Ça va sentir trop bon. En plus, les thermes de Grimbergen, c'est trop canon. L'endroit, franchement, est magnifique. Il y a une énorme piscine extérieure. Il y a plein de piscine intérieure. Voilà, c'est zen, c'est top, c'est juste ce qu'il vous faut. Alors, on me dit qu'il y a quelqu'un qui est là. On me dit dans mon oreillette. On me dit dans mon oreillette. Attends, j'avais envie de faire comme si on était, tu vois, une vraie en télé. Émission. Genre, oui, la régie, vous m'entendez? La c'est régie. Bon, lancez la séquence. On a Caroline qui est là, qui vient de la Louvière. Bonjour Caroline. Bonjour. Ça va Caro? Ça va et vous? Bah écoute bien, qu'est-ce que tu fais? Ben rien, là j'étudie pour mes examens de deuxième session. Aïe aïe aïe, c'est quand, c'est quand Caro? Pardon? C'est quand le premier? Ah, j'en ai déjà passé deux, là j'en ai encore deux lundi et mardi. Courage ma Caroline, c'est vrai que devoir étudier alors qu'il fait chaud, qu'il fait beau, tout ça c'est pas cool. Mais même t'as qu'à étudier pendant l'année. Aussi, ça c'est vrai. Mais ce qui pourrait être sympa aussi c'est de faire une petite pause au terme de Grip Bargain. Bah, c'est bah, gagné oui, bravo. Bravo! Ah, c'est génial, merci beaucoup, je vous adore, merci beaucoup. Félicitations Caroline, tu vas pouvoir aller faire dodo au terme de Grimbergen et tout ça, te faire bichonner. Dodo! Bah ouais, c'est cool! Tu vas y aller avec qui, Caro? Bah, je pense avec ma meilleure amie. Avec ta meilleure amie, bah, une petite, voilà, un petit week-end entre filles, c'est juste le top. Caroline, ouais, félicitations, tu merci nous diras beaucoup, comment c'était. Vraiment. Hein. Gros bisous, Caro! Bonne soirée. Merci beaucoup. Salut, revoir, bisous, merci. Bisous. Eh, les cadeaux sur Fun Radio, c'est non-stop. On a fait gagner un resto ce soir. On a fait gagner un séjour au terme de Grimbergen. Et toute cette semaine aussi, on vous a envoyé au concert d'Hardwell. C'est demain déjà. Ça ouais passe super vite. On va envoyer des auditeurs demain qui vont aller faire la fête là-bas en Allemagne. Et d'ailleurs, Hardwell, vous savez, c'est notre pote ici sur Fun. Il y a un petit message pour tous les gagnants et pour tous les auditeurs de Fun Radio. Écoutez. Thanks to all the listeners of Fun Radio for joining the competition. I'm thrilled to announce the winners of two tickets each for my world tour closing this Saturday at Hockenheim in Germany. Congratulations to David, Renaud, Jean-Francais, Deborah. I see you this Saturday. It's going to be a massive party. Hey, this is Hardwell and you're listening to Fun Radio. Listening to Fun Radio. Si ça c'est pas la classe, sérieux, Hardwell comme ça, tranquille, il a pris son téléphone, il fait ok, moi je vais faire un petit message pour les auditeurs de Fun Radio. Ça fait bien plaisir, en tout cas ils vont s'éclater demain au concert d'Hardwell en Allemagne. On aura encore plein de cadeaux pour vous aussi la semaine prochaine. Allez, je vous le dis parce que vous êtes sympa, on va vous offrir un MacBook Air. Non. Quoi? Je dis ça, je dis rien. Allez, on se fait le son de Nils Van Zandt maintenant sur Fun. Bonne soirée tout le monde. Fun Radio. Fun. Égophonique. Fun Radio. Ah, laisse tomber. Je vais pas te mentir. Dès que je t'ai vu, j'ai su que j'allais devoir me repentir. Et je suis plus que jamais. Hey, comment te dire? Je pars faire le tour de la terre. Suis-moi dans mon trip. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. J'm'envole ailleurs. J'm'envole ailleurs. J'm'envole ailleurs. Ailleurs, ailleurs. J'm'envole ailleurs. Ailleurs, ailleurs. Je fly, suis-moi dans mes bails si tu veux planer. Crier, oublie tes problèmes et laisse-toi aller. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Si tu l'approches, elle te traumatise. Quand elle whine sur la piste, elle est fraîche, déter. Elle s'en fout de tout ce que les gens disent. Si tu l'approches, elle te traumatise. Quand elle whine sans pompe, ah, laisse tomber, je vais pas te mentir. Dès que je t'ai vu, j'ai su que j'allais devoir me repentir. Et je suis plus que jamais. Comment te dire, je vais pas faire le tour de la terre. Suis-moi dans mon trip. Je m'avale ailleurs. Radio. Il est 19h, dans quelques petites minutes on va se faire le son de Justin Timberlake, ce sera juste après les infos maintenant avec Carlo Morello. Bonjour Carlo. Salut Audrey, salut à tous. Ça fait plusieurs jours qu'en Bolivie, des mineurs en grève bloquent une route. Des mineurs qui exigent le droit de se réunir en syndicat, un droit légitime, même si d'après le ministre de l'Intérieur, ils veulent surtout pouvoir louer leurs concessions minières à des entreprises privées et étrangères. C'est interdit par la constitution bolivienne. Bref, faire grève, c'est donc légitime. Ce qu'il est nettement moins, par contre, c'est d'assassiner une personne séquestrée. Le vice-ministre de l'Intérieur, Rodolfo Illanes, s'était rendu sur place, histoire de dialoguer avec les mineurs. Résultat, ces derniers l'ont intercepté, séquestré et tué en le rouant de coups. Selon le ministre de la Défense, 100 à 120 personnes ont été arrêtées et les mineurs meneurs ont été identifiés. Les autorités américaines cherchent à interdire la baignade avec les dauphins à Long Bay d'Hawaï. Ce n'est pas une très bonne nouvelle pour les sociétés du coin qui proposent aux touristes des excursions en bateau à la rencontre de ces sympathiques mammifères marins. Mais c'est sans doute une excellente nouvelle pour les dauphins eux-mêmes, hein, qui vivent en fait la nuit et se reposent le jour, ou du moins devraient se reposer. Mais avec tous ces gens qui tiennent absolument à nager à leur côté, c'est pas possible. Et vous savez comment sont les dauphins, hein, hyper sympas, donc ils n'osent pas se plaindre, d'où le souhait des autorités de mettre fin à cette attraction touristique. Il s'agit de préserver la santé des animaux et leur taux de reproduction. Et puis décidément, les autorités US s'intéressent beaucoup à Hawaï et à son environnement pour le moment. Même que le président Barack Obama va s'y rendre pour y annoncer la création de la plus grande réserve naturelle marine du monde. La création, ou plutôt le quadruplement de la surface protégée de la réserve de Papahānaumokuakea. Ne me demandez pas de répéter, hein, merci. Une réserve qui s'étendra alors sur 1,5 million de kilomètres carrés, ce qui représente environ deux fois la surface de la France, hein, quand même. De quoi permettre à 7000 espèces marines de vivre et de prospérer tranquillement. Merci Daesh, la brocante de l'altitude 100 à Forêt, à peu près à 26 mètres des studios de Fun Radio. Cette brocante, donc, qui aurait dû se tenir le 2 octobre, a été annulée. Bah, sans quoi j'aurais dit se tiendra le 2 octobre.

17h-20h, Happy Hour. Yes, on est en direct avec vous jusqu'à 20h. J'espère que ça se passe bien de l'autre côté de la radio. Courage, hein, parce qu'avec la chaleur là, oh là là. Vous moi, allez faire mort, quoi moi. Vous soir dans l'équipe, Fab? Moi je vais me doucher, oh, je ouais. crois que c'est ce qui est le plus important. Et, non mais par contre j'ai appris un truc, il paraît que le fait de prendre des douches, c'est pas bon du tout, en fait ça rafraîchit pas. Ok, hein? Bah alors je prendrai un bain. Voilà. Ça c'est fait, toi Sandro, c'est quoi le programme? Ben, je vais mettre dans un frigo toute la soirée. Oh, voilà. Ça serait mon plus grand rêve quoi. Ah, si un tu veux, énorme frigo. Ah, je peux t'arranger ça moi. Ouais. Ouais, j'ai des amis qui travaillent à la morgue. Oh non. Ouais, c'est tellement pas glamour. Bon, pour l'heure dans l'émission, on va se faire la baston à la maison. En gros, je vous explique le concept, c'est ça pas très fighter. Compliqué, ça va fighter. On fout la voilà. merde quoi. On fout la merde un petit peu. Bah c'est pas nous qui allons foutre la merde. C'est-à-dire que là par exemple aujourd'hui, on a Natacha qui est là. Salut Natacha. Salut. Ça va bien Natacha? Ça va et vous? Ah bah super. Natacha, t'es venue m'envoyer un petit message sur ma page Facebook Audrey et tu m'as dit, oui. voilà, je veux piéger mon grand frère. C'est bien ça? Voilà, c'est ça, c'est ça. Et bon, et qu'est-ce qui t'a fait ton grand frère pour que tu lui envoies comme ça? Rien, c'est juste par plaisir. Rien, c'est mon frère quoi. Ah bah voilà, c'est bah ça. Oui, c'est ça, par habitude, on en lit toujours le frère ou la sœur. Mais souvent, c'est vrai, ça, voilà. les garçons et les filles comme ça, frère et sœur, ça s'entend pas beaucoup. Hein. Content d'être fils unique en fait. Pareil. Ouais, ça, oh. tu m'étonnes. Et moi, j'ai des sœurs et je m'entends super bien avec elles. Oui, voilà. Avant, ouais. avant, c'était comment? Avant, petite, j'étais chiante parce que voilà, je répétais tout à mon père, mais. Toi, tu devais être une balance. Peste. À fond, j'étais une grosse balance. Et c'est genre, c'était mon père, il forçait ma sœur à aller avec moi en sortie. Il forçait ta petite sœur avec au cinéma. Il y avait son mec à côté, elle était heureuse, c'était génial. Oh, merde. Bon, Natacha, du coup, ce qu'on va faire, oui. c'est qu'on va piéger ton grand frère. Enfin, tu vas le piéger. Alors, Fab, en gros, elle va devoir faire croire quoi à sa. Attends, putain. Alors, Fab, en gros, elle va devoir faire croire quoi à son frère? Alors, son frère qui s'appelle Mario rentre d'Erasmus la semaine prochaine. Mario. Et donc, elle va lui faire croire qu'elle a, pendant son absence, elle a vidé toute sa chambre, vendu ses meubles et ses fringues pour s'offrir des chouettes vacances. D'accord. Genre, écoute, je serai pas là quand tu rentres parce que je pourrais pas t'accueillir vu que moi je pars en vacances avec l'argent que j'ai gagné de tous les meubles de toi que j'ai vendus. C'est horrible. Bon, moi, je suis le frère, je la tue. Bah, tu m'étonnes. Et Natacha, ce qu'on fait, c'est qu'on se le fait après le son de Lost Frequencies maintenant. S'il arrive à s'énerver, si t'arrives à faire en sorte qu'il pète un câble, tu repars avec du cadeau, d'accord, Natacha? Parfait. Allez, merci. Bouge pas, on tente le coup après Lost Frequencies maintenant sur Fun. I follow. Mountain high and river low, I follow. Take me to the bottom, drop me in low, wherever you go. Mountain high and river low, I follow. It's a beautiful, beautiful life. Beautiful, beautiful life. Beautiful, beautiful life with you. Fun Radio. This is Fun Radio. Do you recall not long ago when you would walk on the sidewalk innocent, remember? Oh. La suite du son Dance Floor, c'est avec Jonas Blue, ça se passe sur Fun Radio, Perfect Stronger. Il y aura aussi le tout nouveau Black M, Je suis chez moi. Je vous balance tout ça juste après, baston à la maison. Non mais ça va pas, c'est une blague. Il va y avoir de l'animation le soir à la maison. C'est baston à la maison sur Fun Radio. Ouais. Et c'est plus que de l'animation qu'il va y avoir, c'est de la fight. Si vous venez de débarquer sur Fun Radio, c'est nouveau dans la Happy Hour, on a Natacha qui est avec nous. Natacha, t'es toujours là? Oui, je suis toujours là. Bon, alors Natacha, pour tous les auditeurs qui viennent nous rejoindre, je rappelle le truc, c'est que t'as envie de saouler un peu ton grand frère. Il est parti en Erasmus, il est parti où? À Barcelone. À Barcelone. Ah, cool. Et du coup, ouais, là, il est censé être de retour bientôt, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, il revient la semaine prochaine, en fait. Voilà, et bah la donc. Belle surprise qu'il attend à son retour. Ah bah ouais, comme voilà, une petite sœur contente de retrouver son grand frère, tu vas lui annoncer que t'as vendu tous ses meubles pour toi aussi pouvoir partir en vacances. Il n'y a pas de raison, hein? Ben, c'est normal. Bon, Natacha, que les choses soient claires. Si t'arrives à faire en sorte que ton frère pète une durite, comme on dit en wallon, et ben tu vas repartir avec du cadeau, d'accord? Parfait. Allez, c'est parti. On fait sonner. Sois bonne, Natacha. Tous nos espoirs sont en toi. Vas-y. Allô? Allô, Mario, ça va? C'est qui? Ouais, c'est Natacha. Oh, Natacha, tu vas comment toi? Ça va, ça va. Crie un peu plus fort, frangin, parce que je t'entends pas trop là. Ouais, mais je sais bien, mais ici, y a pas beaucoup de réseau. Hein. Ouais, ça va, et toi, le temps, ça va, tout? Ouais, franchement, il fait super bon là pour l'instant. T'es pas trop déçu de faire tes bagages pour rentrer? Bah, franchement, non, parce que voilà, après un an quand même, faut rentrer. Hein. Ouais. Bon, ouais. Non, franchement, je suis pas trop déçu, non, je suis content même de rentrer. Ouais. Ça va faire plaisir. Mario, en fait, je te téléphone pour te dire un truc. T'énerve pas, ok, mais je serai pas là à ton retour. Qu'est-ce que t'as encore fait? Non, je serai pas là à ton retour, je pars en vacances. Quoi? Je pars en vacances, je serai pas là quand tu vas revenir. Je pars en vacances, ok, d'accord. Ouais. Ouais, t'as pas encore fait une connerie? Bah, en fait, si. Mais. Tu vas m'en vouloir à mort. Non, je pourrais pas te couvrir, les parents ils vont encore te tuer. Non, les parents ils sont au courant, ils étaient d'accord avec moi. Attends, c'est quoi? Ma maman elle a insisté, on a vendu tous tes meubles, frangin. Quoi? On a vendu tous les meubles de ta chambre, en fait. Ah, c'est une blague? Non, je te jure, j'ai vendu ta PlayStation, ton écran plasma, ton lit, ta garde-robe, tes guitares, tout. Ah, Natacha, tu te fous de moi? Non, je te jure, c'est vrai. Ah, c'est ça. Mais d'un côté, tu vois, si je te vois pas quand tu rentres, c'est justement grâce à toi. C'est parce qu'en fait, je me barre en vacances avec l'argent que j'ai récolté, quoi. Non, mais c'est... franchement, tu fais n'importe quoi. Et t'allais plus revenir. Moi, j'étais bien à Barcelone, tout se passait bien, parce que, justement, à chaque fois, on se disputait, etc., pour des conneries comme ça. Et là, sérieusement, non, mais mes affaires, tu vas aller les rechercher. La PlayStation et tout, l'écran. Je serais pas aller les chercher. Tu vas aller les chercher, hein. Bah, tout est vendu. Tu vas faire de tes pieds et de tes mains pour aller rechercher mes affaires, Natacha. Parce que là, franchement, je commence à en avoir marre de toi. J'en ai marre. Et franchement, si tu pars en vacances, ça va pas bien se passer. Quand tu vas rentrer, t'inquiète pas que je vais t'accueillir. Je serai là à l'aéroport pour t'accueillir. Je serai pas là, je serai à Ibiza, moi. À Ibiza, hein, ouais, Paris-Ibiza, on vend... Ouais, ça va. Je vais venir moi-même à l'hôpital, tu vas voir. Bonjour Mario, on se détend, Merci, mais qu'est-ce qui se passe, Mario? Mais quoi? T'es en direct sur Fun Radio, Mario, t'as été piégé. C'est vraiment pas drôle. Ah si, c'est drôle. Si, je vais venir à l'aéroport t'accueillir. J'ai cru en plus, parce que... J'ai cru, moi. Mais, en fait, c'est nous qui avons acheté tes meubles, quoi. Et c'est moi qui ai récupéré ta PlayStation, ta télé. Oh, mon pauvre Mario. Ouais, on t'en fait voir. Tu m'énerves avec tes plans ainsi qui t'en... Ouais, je t'aime. Allez. Non, c'est beau l'amour entre frères et sœurs. Et en même temps, Mario, dis-toi que grâce à ça, elle repart avec du cadeau, ta sœur. Ouais, bon, elle ira pas Ibiza, mais... Ouais, c'est ça. Mais enfin, Mario, vois le bon côté des choses, c'est que tes meubles, ils sont toujours en place, a priori, donc ça, c'est cool. A priori. Mario, on te fait des gros bisous, on te laissera arranger ça avec ta sœur. Hein. Voilà. Affaire de famille, ça ne regarde pas. Eh ben, Natacha, félicitations, j'ai envie de dire que c'est gagné. Ouais, tu repars avec du cadeau Fun Radio, Natacha. T'as été excellente. Merci. Bon. Merci beaucoup à tous. Et fais-toi pardonner maintenant, hein, parce que ton frère, je crois qu'il va avoir une petite dent contre toi. Ouais, quand même un peu. Natacha, des gros bisous. Baston à la maison, ça reviendra très vite dans l'émission. Là, on va faire le son de Jonas Blue avec Perfect Stronger. Il y aura aussi le nouveau Black M. Si vous êtes fan, restez bien là. On va vous faire découvrir des nouveautés musicales aussi. Puis il y aura du cadeau, bougez pas.

I hope you never leave. I'll just keep holding on. I'll just be all you need. This life is all we know. This life is all we know. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. À partir de 20h sur Fun Radio, c'est Party Fun qui débarque avec tous les plus grands DJ qui seront de la partie. Pour aller jusque là, il y aura du sac Noël avec Sean Paul. Mais on va pas se quitter comme ça, hein. Dans la POR, on a du cadeau à vous filer, direction le cinéma. Et ouais, pour aller voir le nouveau film de Jimmy Labeu. Est-ce que quelqu'un voit qui c'est Jimmy Labeu? Attends, parce que Sandro, je suis sûre que Jimmy oui. Labeu. Parce que tu fais partie de la nouvelle génération, mais notre petit Fab. Tu vois qui c'est Jimmy Labeu? Oui, moi je connais bien Jimmy, c'est un youtubeur, on a fait des vidéos ensemble. T'as fait des vidéos avec Jimmy Labeu? Non, mais j'aime bien te le faire croire. Ah, j'allais dire, je fais, hé, t'es une star, ma biche. Mais non, malheureusement. Il est figurant, tu vois, c'est tout. Moi, je fais les ombres. En fait, la différence entre Jimmy Labeu et Fab, c'est que Jimmy Labeu, il est youtubeur, il est humoriste, il fait des vidéos, maintenant il fait du cinéma. Fab, il est humoriste et il est sur Fun Radio. Et il travaille au Quick le week-end pour payer ses factures. Bon, alors, son nouveau film, il s'appelle Le Correspondant. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, du coup, je sais que notre kéké du standard, il va m'expliquer le ça. Le pro du cinéma. Voilà, le pro du ciné. C'est quoi l'histoire? C'est vraiment tout simple, c'est le correspondant. C'est un correspondant qui vient en Allemagne. Attends, moi je fais appel à toi parce que t'es un professionnel. Ah oui, mais c'est comme le nom là. Alors, la chute de la Maison Blanche, en fait, c'est la Maison Blanche qui chute. Voilà. Mais l'histoire est vraiment facile, c'est juste ça. C'est un correspondant allemand qui vient. Mais quoi, il écrit des lettres tout le long du film ou quoi? Non, pas du tout, c'est il vient dans sa maison. Ouais. Comme un échange. Ils correspondent, après ils font des trucs. Voilà, comme un Erasmus. Ah. Voilà, c'est ça. D'accord, mais c'est drôle. Bah oui, tout à fait, parce que le correspondant allemand n'est pas du tout Jimmy. Et c'est ça qui est drôle, parce qu'à chaque fois il fait des blagues, des trucs à la con comme ça. Vachement débile. Ça a l'air loquace. Patrick, bon, et si vous voulez aller voir le nouveau film de Jimmy Labeu, allez-y, vous vous inscrivez maintenant, vous envoyez ciné par SMS au 6322. On fait le tirage au sort avant 20h, c'est promis. Bonne chance tout le monde. Yo, c'est la gala with the big tic tac. She fait gimme the. Head to the floor, gal, gimme the. Bend over, girl, and gimme the. Spit down to the ground, seismic activity. Spin round me, girl, and gimme the. Top wine, girl, and gimme the. Body look fine, girl, gimme the. Coming out, waste some time, girl, gimme the. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Funny body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in, over, you're spinning it. Rotate your body, come in, over, you're spinning it. Rotate your body, come in, over, you're spinning it. Make the trumpets blow. watch when you bubbly, bubbly. Serious thing, it and a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Call in two friend and then doubly, doubly. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. Honey look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pon your body, me take up a permanent residence. Trumpets blow. Pour commencer la soirée, le duo de Tiesto et John Legend sur Fun Radio. Je vous ai calé aussi Rihanna et Drake pour la suite du Sun Dance Floor. Mais avant ça, on va savoir qui va repartir avec son cadeau. L'Happy Game, le jeu où tu peux gagner un cadeau, voire deux, voire rien du tout. Va à toi de faire le bon choix. Tu peux gagner un cadeau, voire deux, voire trois, voire quatre, voire même cinq cadeaux, puisqu'aujourd'hui, on a cinq places de ciné à vous filer pour aller voir le nouveau film de Jimmy Labeu. Bah ouais. Tout et on famille. A un auditeur qui est là, c'est Antoine qui vient de Thouin. Salut Antoine. Salut. Ça va Antoine? Très bien, et toi? Bah ça se passe, écoute, pas trop chaud? Ouais, ça va, il bon, sous un petit verre, ça va. Ah bah ça, on a la belle vie, hein. Entre deux glaces. Ouais. C'est quoi le programme de la soirée? Petit barbecue, resto, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, entraînement de foot, et puis après, petit barbecue, soirée. Fais pas du sport, il fait trop chaud. Et ça, c'est un concept, hein. Ça, c'est... Mais je comprends pas. Oh bah oui, bah enfin, faire du sport comme ça avec une chaleur pareille, franchement, et big up à tous les sportifs, hein, faut le vouloir. Hein. Après, sportif dans une salle Basic Fit, honnêtement, il y a la clim, quoi, donc ça va. Ouais, ça dépend. Mais là, entraînement de foot, c'est à l'air libre, on est d'accord, Antoine? Ouais. Toi, t'es un vrai de vrai, t'es un guerrier. Mais c'est comme ce soir, il y a Charleroi qui joue, je comprends pas. Il faut annuler. Sporting de Charleroi. Bah non, on va rien annuler du tout parce qu'il faut gagner. Les gens, en temps normal, ils savent pas jouer. Donc, arrête ça tout de suite, tu te calmes. Bon, Antoine, t'as joué pour repartir avec tes places pour aller voir le film de Jimmy Labeu, tu connais ou pas? Ou alors tu veux juste découvrir? Ouais, t'aimes non, bien ce qu'il fait? Je connais bien. Tu t'aimes bien les vidéos? Ouais, c'est assez marrant, c'est divertissant, on va dire. Ah bah tu vas voir le film, il est encore plus drôle que les vidéos qu'il fait sur le net. Antoine, c'est gagné! Bravo! Bah de rien Antoine, ça fait plaisir. Bon, il y a un nouveau concept par contre dans la POR, un peu comme quand tu vas dans un bar, tu prends un verre, t'as un verre offert. Et bah là c'est pareil, on t'a filé des places de cinéma, tu peux décider de les remettre en jeu. Si tu gagnes, tu doubles ton cadeau, si tu perds, tu perds tout. Voilà. 10 places, tu peux aller avec toute l'équipe de foot. C'est ça, qu'est-ce que tu vas faire Antoine? Bon, on va le doubler. Hein. On va doubler? C'est parti alors. L'Happy Game sur Fun Radio, c'est le seul jeu du monde où tu peux négocier ton cadeau. Ouais, enfin tu vas rien négocier, tu vas surtout essayer de le gagner tout court. Bon alors Antoine, je t'explique comment ça va se passer. Tu vas affronter Fab ou Sandro, tu veux qui d'abord? Choisis. Le plus mauvais. Fab. D'accord. Ça donc c'est fait. Tu vas affronter Fab au jeu des couleurs. Je vais te donner une couleur et vous allez devoir me dire chacun votre tour quelque chose qui est de cette couleur-là. Ça peut être un objet, un vêtement, quelque chose d'autre. Quoi, d'accord? T'as bien compris les règles? Ouais, ça va. Allez, hop, c'est parti. La couleur, c'est le rouge. Qui commence? Rouge. Allez, vas-y toi, Fab. Une croix. La croix rouge. Ouais, ok. Antoine. Une chose de rouge. En fait, il est daltonien, il connaît pas le rouge ni le vert. Bah, je peux dire, je sais pas, dans le drapeau du Maroc. Ouais, c'est bon. Ouais, ça marche, ça marche. Fab. Une tomate. Une tomate, ouais. Antoine. Allez. Je je réfléchis, on peut faire tous les drapeaux comme ça. Bah non, Antoine, allez. Hein. Et il y a un truc, si t'es un peu romantique, je t'aide un peu, mais. Ah, une rose. Ah, bah voilà, Fab. Mais moi le malin. Je vais te dire un truc, mais ça va pas te plaire. Quoi? Une serviette hygiénique en mauvaise période. Non, non, ça marche pas. Non, non, ça, non, ça, non, okay. Non, non, non, non, non. Antoine, c'est gagné. Heureusement que Fab est mauvais. Hein. Ah bah ça tu m'étonnes. Non mais t'es crade toi aussi avec tes idées de serviettes hygiéniques, ça va ou quoi? Tu quoi, ils pouvaient faire des drapeaux, c'est comme le drapeau du Japon en fait. Non hein. Pas du tout, pas du tout. Antoine, félicitations, tu vas pouvoir aller avec 9 personnes au ciné. En tout ça fait donc 10 wow. places qu'on t'envoie chez toi. Tu vas y aller avec qui? Tu connais 10 personnes? Oui, il y a des gens qui ont 10 amis Audrey. Hein. C'est ça. Dans la famille, je pense que je vais prendre la famille avec. Ah bah t'as raison. Antoine, profites-en un maximum. On te fait des gros bisous et éclate-toi bien au ciné. Tu nous diras comment c'était le film, hein, d'accord? Super, un grand merci. Gros bisous, Antoine. Salut, bonne soirée. Merci d'avoir écouté la Happy Hour, ça fait plaisir. On sera de retour lundi à partir de 17h et ça sera la rentrée officielle de Fun Radio. Ah, toutes ouais. les équipes seront là. On vous a parlé tout à l'heure de ce qui allait se passer le soir après 20h. Et le matin, lundi matin, il y aura une toute nouvelle émission en place avec Bruce. Oui. Dans la radio. Oh, oh, oh, oh. À lundi les copains. À lundi. Party all night, all summer. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Welcome in the biggest clubbing. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. Maman. Tu sais, chez Disneyland Paris, ils font les jours du oui. Ah oui? Alors, on se demandait si t'allais dire oui. Oui. T'es sûre? Oui, oui. Parce que parfois, tu dis oui et puis... Oui, oui. T'es sérieuse, là? Oui. Oui, youpi! C'est le moment de leur dire oui. Oui à Disneyland Paris. Réservé pendant les jours du oui, avant le 29 septembre, pour bénéficier de jusqu'à 30% de réduction sur votre séjour. Et en plus, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Réservé chez Jet Air Center, votre agent de voyage ou sur jetair.be. This is Fun Radio. Fun Radio, le son dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. 19h, 17h-20h sur Fun Radio. I hope you could take it all. I'm too